بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في المسألة 85 85 مسألة في قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون. Allah parle d'Allah dans le sens où il dit que les Yahoud ont dit que Uzair est le fils d'Allah et que les Nasara ont dit que le Messie, Isa yani, est le fils d'Allah. Jusqu'à sa parole où il dit qu'il soit exempt de tout défaut de ce qu'il lui associe. Sur le Tawbah de versets 30 à 31. Awalen par rapport à Uzair, il y a eu un khilaf, des ulama disent que c'est un prophète et d'autres qui disent que c'est un homme pieux. Le plus connu, c'est que c'est un prophète. Mais d'autres choses laissent démontrer qu'il est un homme pieux. Wallahu ta'ala a'lam. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه الآية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب مشركون بدليل قوله فيهم سبحانه عما يشركون. بعد أن بين وجوه شركهم بجعلهم الأولاد لله واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دونه. Donc selon le verset est un texte clair qui laisse montrer que les kuffars des gens du livre sont des mushrikoun. Ce sont des associateurs. Car à la fin du verset il dit qu'ils sont exempts de ceux qui lui associent. Et avant cela il cite qui? Les Yahoud et les Nassar. Et cela après qu'il ait démontré leur shirk et qu'ils aient accordé à Allah des enfants et qu'ils aient fait de leurs moines et de leurs rabbins des seigneurs en dehors d'Allah. ونظير هذه الآية قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لإجماع العلماء أن كفار الكتاب داخلون فيها. Et également, ce qui va dans ce sens-là, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit que certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Sourate An-Nisa, verset 48. Et qu'il y a unanimité des ulama que les mécréants des gens du livre sont concernés par ce jugement-là. Donc ça veut dire qu'ils sont des mouchrikoun. ثم قال وقد جاءت آيات أخرى تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. D'autres versets sont venus pour montrer que justement les gens du livre ne sont pas comptés comme étant des mushrikins. Et cela, comme l'exemple de la parole d'Allah dans ce sous-le dit, que ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les mouchilikoun. Donc là, il y a eu une différenciation entre, Allah Azzawajal l'a dit, entre les gens qui ont mécru les gens du livre et les mouchilikoun. Al-Bayyina, verset 1. Wa qawlihi, inna allazina kafaru min al-kitab wal-mushrikina fi nari jahannam. Lorsqu'il dit, certes, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre ainsi que les associateurs sont dans le feu de l'enfer. Al-Bayyina, verset 6 également. Wa qawlihi ma yawaddu allazina kafaru min ahli al-kitab wa la al-mushrikina yunazzala 'alaykum. Et qu'il a dit dans le sens également que n'aiment pas ceux qui ont mécru parmi les gens du livre ni les associateurs qui descendent sur vous, c'est-à-dire amen d'Allah azza wa jall. Sourate Al-Baqara, verset 105. Donc, wal'ataf yaqtadi al-mughayyara. Donc, le fait qu'il y ait un waouh qui veut dire et en fait, cela inclut en langue arabe qu'il y ait une différenciation, une dissemblance. Quand on dit, mesalan, ja'a Zayd wa Amr, que Zayd et Amr sont venus, c'est-à-dire que Zayd est une personne et Amr est une autre personne. Qala wa ladhi yadhharu li muqayyidihi, afallahu anhu, anna waj al-jam, anna al-shirka al-akbar al-muqtadiya li khuruj min hadi al-milla. ومن الملة أنواع وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها. Donc ce qui apparaît à l'auteur, qu'Allah lui pardonne comme il le cite lui-même, qu'on peut lier entre ces versets du fait que le shirk majeur qui inclut une sortie de la communauté est de différentes catégories et que les gens du livre eux sont décrits par une partie de ce shirk et ne sont pas décrits par un autre. Ça veut dire qu'ils ont des caractéristiques de ce shirk et d'autres qui n'en ont pas. Amma al-ba'du alladhi hum ghayr muttasifin bihi fa huwa ma ttasafa bihi kuffar Makkah min ibarat al-awthan sarihan. Wa lidha 'atafahum 'alayhim. L'ittisaf kuffar Makkah bima lam yattasif bihi ahlul kitab min ibarat al-awthan. Wa hadhihi al-mughayyara hiya allati sawwa'at al-'ataf. Donc مثلا ce dont sont ce caractéristique ou ce caractérise les gens du livre et autre chose que ce par quoi se caractérisent les koufars de Quraysh du fait qu'ils adorent clairement les idoles. Donc c'est pour cela que le atf, fait le différencié entre les deux catégories a été fait dans le verset en disant waouh, car leur shirk n'est pas le même. D'accord, leur shirk n'est pas le même. Quand les warayuna fi anna أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر وهو طاعة الشيطان والأخبار والرهبان فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك ثواب فهو عابد شيطان مشرك بعبارة الشيطان الشرك الأكبر المخلد في النار كما بينته النصوص القرآنية كقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Donc il dit maintenant cela ne pose pas le fait que les gens du livre soient également des associateurs d'un autre genre, dans une autre forme de shirk majeure, et qui est elle l'obéissance à Shaitan, l'obéissance aux moines, l'obéissance aux rabbins. Car celui qui leur obéit, tout en voyant que cela, en croyant que cela est authentique et valide, lui est considéré comme étant un adorateur de Shaitan. Et cela est du shirk akbar, qui rend éternellement au feu. Comme l'ont éclairci des textes coraniques, ou plutôt coraniya, afouan. J'aime mieux éviter le terme Coran, car le terme Coran, comme on le dit fréquemment, c'est un tahrif du lafz. C'est-à-dire le terme est changé, et à la base, Coran, c'est parmi les attributs d'Allah Azzawajal. Donc changer le mot Coran par un autre mot, cela mène à un tahrif, dévier un mot de son sens d'origine. Et cela est interdit à la base en religion. Et pour ceux, Tefaïda, ceux qui auraient du mal à dire cela, lorsqu'ils parlent avec des mécréants ou quoi, qu'ils se contentent de dire, مثلا, le livre d'Allah, ou Kitabullah, s'ils ont du mal à dire le Qaf, ou autre que cela, ils trouvent une autre façon. C'est une nasiha par rapport à ça. Donc, parmi ces textes coraniens, la parole d'Allah dans le sens où il dit, qu'ils ne font que invoquer en dehors de lui des idoles féminines, et ils ne font que invoquer un shaitan rebelle. Sourate An-Nisa, verset 117. فَقَوْلُهُ وَنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا. Le fait qu'ils n'invoquent qu'un shaitan. مَعْنَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا شَيْطَانًا. C'est-à-dire qu'ils ne font qu'adorer. Car le fait d'invoquer, c'est le fait d'adorer. لِنَ عِبَالَتَهُمْ لِلشَيْطَانِ تَوْعَتُهُمْ لَهُ فِي مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. وَقَوْلُهُ تَعَلَى وَلَمْ أَعَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ. Donc, c'est quoi leur adoration du shaitan? C'est le fait qu'ils lui obéissent dans ce que Allah aura rendu interdit sur eux. Comme dans le sens où il dit, n'ai-je pas pris de vous un engagement au fils d'Adam que vous n'adoriez pas shaitan? Surat Yassin, verset 60. Wa qawlihi ta'ala, an khalilihi Ibrahim, alayhi salam, ya abati la ta'boudi shaitan, inna shaitan akana irrahman a'asiyah. Lorsqu'Ibrahim dit à son père, oh, cher père, n'adore pas shaitan, car shaitan sert des obis au rahman. Surat Maryam, verset 44. وقوله تعالى بل كانوا يعبدون الجن. Et plutôt ne faisaient que adorer les djinns. يعني سورة سبا verset 41. وقوله تعالى وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. C'est comme cela qu'il a été enjolivé à beaucoup d'associateurs par la part de leur part de leurs associés le fait de tuer leurs enfants. C'est-à-dire que ceux qu'ils adoraient leur ont enjolivé, c'est-à-dire à ses associateurs, de tuer leurs enfants. Al-An'am, verset 147 ou 137. فَكُلُّ هَذَا الْكُفْرُ بِشِرْكِ الْتَوْعَةِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Donc tout cela est de la mécréance du fait qu'ils ont associé dans leur obéissance, ils ont associé ces gens-là dans le fait qu'ils ont désobéi à Allah en obéissance à leur obéissant. Non. وَلَمَّا أَوْحَى الشَّيْطَانِ لِكُفَّارِ مَكَّةَ أَنْ يَسْأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّاةِ تصبح ميتة من قتلها وإنه إذا قيل صلى الله عليه وسلم الله قتلها أن يقول ما قتلتموه بأيديكم حلال وما قتله الله حرام فأنتم إذن أحسن من الله. أنزل الله في ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن تعتموهم إنكم لمشركون. Donc maintenant, lorsque les shayatines ont inspiré aux gens de Mecca, qu'ils interrogent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de la brebis qui est trouvée morte, ils ont demandé qui c'est qui l'a tué. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est Allah qui l'a tué. Donc ils ont répondu, c'est-à-dire en voulant rentrer dans les polémiques, ce que vous avez tué de vos mains est halal, et ce que Allah a tué est haram. Donc vous êtes meilleur que Allah azawajal. Et de là, Allah fait descendre son verset où il dit dans le sens ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été prononcé dessus, car cela est de la perversion. Et que certes, les shayatines inspirent à leurs alliés afin qu'ils polémiquent avec vous. Et que si jamais vous leur obéissez, vous êtes donc également associateurs. Le fait de leur obéir serait du shirk. Les bestiaux, An'am, verset 121. فاقسم تعالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله إنه مشرك بالله. Donc de là, Allah a juré dans ce verset que celui qui obéit à Shaitan, dans la désobéissance à Allah, est un mushrik. Mais dans quel sens? Qui rend cela halal. D'accord? C'est pas le fait d'obéir à Shaitan dans une marsiya, en sachant que c'est une marsiya qu'on est un mushrik. C'est le fait de l'obéir en rendant halal une chose qui était rendue haram, clairement. وَلَمَّا سَأَلَ عَدِيٌّ إِبْنُ حَاتِمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا كيف اتخذوهم أربابا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فبذلك اتخذوهم أربابا. Donc lorsque Oudi l'a interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos de la parole d'Allah, dans le sens où il dit qu'ils ont pris leurs moines et leurs seigneurs ils ont pris leurs moines et leurs rabbins en seigneur en dehors d'Allah, sur la Tawbah verset 31, ils ont dit comment ils ont pris seigneur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit n'ont-ils pas rendu illicite ce que Allah a rendu illicite, et n'ont-ils pas rendu illicite ce que Allah a rendu illicite, et qu'ils ont suivi en cela? Il a dit si, en effet. Il a dit donc c'est cela, c'est comme cela qu'ils ont pris comme seigneur. فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر وإن كانوا خالفوا كفار مكة في الصريح عبادة الأوثان والعلم عند الله تعالى. Donc c'est là que le shirk des gens du livre, d'accord, de ce côté-là, un shirk qui est akbar, majeur, même s'ils sont opposés aux kuffars de Quraysh qui eux adoraient les idoles directement. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. وبهذا الكلام نكتفي سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.